viens m'embrasser avant de t'en aller ce soir. Viens m'embrasser, on ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. Viens m'embrasser, toi qui t'en vas. Oublie que je suis triste, oublie et souris-moi. Fais-moi revivre encore un peu de ce temps-là, où tu viens de jeter dans mes bras. Ah, toi qui te vas, essaie de m'inventer encore un peu de toi. Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi. Alors viens m'embrasser pour la dernière fois. Ça fait moins perdre la raison. T'en prie, maman, yon petit temps. Quitte m'admirer yon petit moment. Histoire nous bien ma connaît. Chagrin nous pas blé ouè demain. Bah, moi yon petit temps. Pour faire l'amour dire plus longtemps. See you. chenbe ou avanse. Tout doukembe nan bras.